Alain Soral, vous déclariez à propos de la colonisation française qu'il ne faut pas forcément s'excuser d'avoir gagné comme au football. Mais ne peut-on pas considérer que cette colonisation française fait, au même titre que l'intégralité des colonisations passées, présentes et futures, partie intégrante du projet du nouvel ordre mondial? Est-on contre la France si l'on pense cela? Peut-on être à égalité et réconciliation si l'on pense cela? Alors là, moi, je reviens à la discussion tout à l'heure. Je dis simplement qu'il ne faut pas confondre la saine analyse et la saine critique de l'histoire coloniale, de l'histoire coloniale française, qui, dont je dis le mensonge, est qu'elle a été faite au nom de l'universalisme de la Révolution française et qu'on a colonisé des gens en prétendant les émanciper, ce qui était une ambiguïté malsaine dont d'ailleurs nous pâtissons terriblement aujourd'hui, ce double langage, hein. Donc ça, ce travail doit être fait absolument. Mais aujourd'hui, de maintenir une haine et une impossibilité de réconciliation entre gens issus des deux côtés de la Méditerranée en parlant en permanence de quelque chose qui est de l'ordre du passé et auquel nous ne sommes liés aujourd'hui ni les uns ni les autres, car moi je n'ai aucune responsabilité dans l'histoire coloniale. Et aujourd'hui je prétends qu'un Français d'origine algérienne et de confession musulmane n'est pas une victime de la colonisation au sens ancien du terme, mais est dans la complexité d'un processus de réussite d'intégration de quelqu'un qui vient, je dirais, d'une autre société, d'une autre religion, et qui doit réussir son intégration comme moi, Savoyard, ai dû réussir à devenir un bon petit Français il y a un siècle, alors qu'en tant que Savoyard, j'étais considéré comme les Bretons, comme un Arabe, hein, je veux dire, au sens péjoratif du terme. Il faut savoir ce que c'était que les Bretons pour la France au XIXe siècle. Il faut lire Bécassine pour comprendre le racisme anti-breton qui existait au XIXe siècle. Donc je dis, voilà, ils ne font pas confondre la réalité historique et la critique saine et morale de la colonisation avec la manipulation de la culpabilité coloniale par des forces politiques dont le projet est d'empêcher la réconciliation entre Français de souche et Français d'origine immigrée. J'espère que là-dessus, on me comprend bien. Et je n'aime pas non plus la dialectique de l'excuse. J'ai horreur des idéologies de la repentance et des réparations. Et je dis d'ailleurs que ces valeurs ne sont pas dans l'islam. Et que ces valeurs de chialerie, de repentance et d'extorsion de fond ont été importées dans les banlieues par les manipulateurs antiracistes qui sont, je vous le rappelle, issus d'une autre confession que vous et qui, eux, ont cette stratégie parce qu'elle leur rapporte réellement. Alors qu'à vous, elle ne vous a, je dis vous, les maghrébins de banlieue français, elle ne vous a jamais rien rapporté. Donc je dis, sortons du piège de la culpabilisation, sortons du piège de la repentance, sortons du piège de la réparation. C'est ce que Dieudonné a très bien compris, parce que ce ne sont que des pièges qui vous sont tendus. Voilà, c'est ça que je dis. Mais je ne fais pas l'apologie de la colonisation. Par contre, après, je dis, si on parle de façon abstraite de l'histoire, la colonisation, c'est l'histoire du monde, hein. Toute l'histoire est une histoire de colonisation, et je dis simplement, un, la France n'a pas inventé la colonisation. La colonisation, nous, Français, avons été colonisés par les Romains. Nous sommes des Gallo-Romains car nous avons été vaincus par Jules César. Aujourd'hui, ne viendrait pas à l'idée de penser que je suis un être dévalué parce que mon Gaulois a été souillé par le Romain qui m'a envahi. Je suis un Gallo-Romain et je ne viendrait pas à l'idée d'insulter un Italien que je croise en vacances au Baléares en disant Jules César a tué 1,5 million des miens. Vous voyez, bon, je sais que c'est plus loin que l'histoire coloniale, mais c'est pour expliquer sur le plan théorique. La colonisation a toujours existé et tout le monde a toujours colonisé. Et je fais remarquer aux Maghrébins de confession musulmane que s'ils sont musulmans, c'est par le fait de la colonisation arabo-musulmane du Maghreb qui n'était pas musulman avant qu'ils aient été colonisés au 7e siècle, par exemple. Et donc, je ne vois pas pourquoi ils seraient fiers d'être des musulmans grâce à la colonisation islamique qui s'est opérée au Maghreb au 7e siècle, peut-être un peu après, si je ne suis pas précis historiquement, et que d'un seul coup, cette colonisation qui serait bénéfique deviendrait une colonisation diabolique et horrible quand c'est la colonisation française de la fin du 19e siècle qui a amené l'idée de l'État-nation, qui a amené aussi certaines choses qui ont pu être intégrées, car ce qui est intéressant dans le mélange des civilisations qui se fait d'abord souvent par la guerre, c'est qu'elles amènent finalement à des échanges et à des acquisitions, c'est-à-dire à un moment donné finalement chacun profite des qualités aussi de l'autre, vous voyez. Ce sont des processus historiques assez constants qui nous dépassent tous, qui ont à voir avec l'histoire du monde et la longue durée, et je ne vois pas pourquoi on réduirait la colonisation à l'histoire de la colonisation du Maghreb et notamment de l'Algérie par la France comment dirais-je, de la Troisième République. C'est une question de rigueur intellectuelle, d'honnêteté et de finesse politique. Voilà. Alors c'est une question complexe parce que nous sommes face à des manipulateurs idéologiques qui jettent de l'huile sur le feu systématiquement. Et là, je le redis, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie que les Français de souche et les Français originaires du Maghreb et musulmans se réconcilient, car cette réconciliation serait leur défaite. Leur défaite en tant que manipulateurs et dominateurs. Voilà. Donc, comprenons bien les uns et les autres que finalement, quand nous nous réconcilions, c'est une victoire. C'est une victoire de nous, hein, Français de souche ou Français musulmans, sur les gens qui nous ont programmés pour nous haïr. Et là, je me pointe du doigt l'époque SOS racisme. Les gens intelligents ont bien compris aujourd'hui, même Éric Zemmour le dit, qu'effectivement, et SOS Racisme avait pour but de produire du racisme entre les Français d'origine immigrée et les Français de souche, en poussant le Français d'origine algérienne à haïr le Français et à reprocher à l'ouvrier français des cités de banlieue tous les méfaits de la colonisation, qui était le fait des élites françaises, hein, des élites françaises ultra-minoritaires, et conséquemment à pousser le Français ouvrier de banlieue de souche, souvent d'ailleurs d'origine polonaise, italienne, savoyarde, espagnole et portugaise, à haïr le français d'origine maghrébine qui l'insultait, vous voyez. Donc tout ça a produit des effets terriblement néfastes dont les premières victimes sont les Français d'origine maghrébine, je le dis bien. Ce sont quand même les Français d'origine maghrébine qui ont les plus grosses difficultés aujourd'hui d'intégration en France sur le plan économique, sur le plan de l'image, hein. Et je fais bien remarquer que les sino-vietnamiens qui ne sont pas tombés dans ce piège, car les sino-vietnamiens étant une communauté finalement maîtresse d'elle-même, n'a jamais été autorisé ni Julien Drey ni Bernard-Henri Lévy à parler en leur nom et à commémorer la défaite de Dien Bien Phu, eh ben il se trouve que les sino-vietnamiens n'ont aucun problème de réussite économique en France, d'intégration, et ne sont victimes d'aucun racisme. Donc je dis malheureusement, s'il y a des tensions entre les Français de souche et les Français originaires du Maghreb et de confession musulmane, c'est beaucoup à cause de manipulations, et il faut, pour affirmer leur indépendance, leur intelligence et même leur souveraineté communautaire, qu'ils s'émancipent des gens qui depuis 30 ans parlent en leur nom et ne font pas partie de leur communauté, hein, et qu'ils puissent enfin nommer des représentants eux-mêmes, car ce que je fais remarquer à tout le monde, c'est que malheureusement les gens qui parlent au nom des musulmans français ou des gens issus du Maghreb ne sont jamais choisis par les communautés au nom desquelles ils sont censés parler, mais par le pouvoir médiatico-politique qui en général choisit les pires pour leurs intérêts, hein. Je vais pas vous faire le CV du merveilleux Sifaoui actuellement. Effectivement, avec des Sifaoui, vous êtes mal parti. Mais moi, je sais que ce n'est pas vous qui les avez mandatés pour parler en votre nom. Je sais finalement que vous êtes une communauté bien fragile et qui a très peu de pouvoir, car vous n'avez pas le pouvoir de nommer vos représentants. Et malheureusement, les gens qu'on a choisis comme médiateurs entre les Français de souche et vous ont été mandatés systématiquement pour créer des troubles. Et là, je fais allusion aux associations ni putes ni soumises. Je vais même pas citer le nom de la personne qui a rejoint le gouvernement Sarkozy. On sait très bien que derrière, il y avait les inénarrables Julien Drey, Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut. Et je dis, débarrassez-vous de ces gens-là, que ne les laissez plus parler en votre nom. Parlez directement aux Français de souche, c'est le lien que nous avons créé entre Le Pen et Dieudonné, et quand on se met à se parler sans médiateur et sans intermédiaire manipulateur, on se rend compte que ça se passe non seulement beaucoup mieux, mais très bien. Et qu'en plus, ce tiers manipulateur qui, dans l'histoire, a fait qu'il y a eu des conflits entre des populations, ça s'est répété très souvent, et qu'il faut à chaque fois réagir de la même façon. Évitons les intermédiaires. Et moi, quand je parle avec des Français d'origine maghrébine ou de confession musulmane en direct, je remarque que les trois quarts des problèmes qu'il y avait étaient des problèmes, des faux problèmes qui avaient été créés de toutes pièces par des tiers. C'était des incompréhensions, des fausses citations, des manipulations, etc. Et là, pour ceux qui connaissent mon histoire, je vois bien quand on a lancé la liste antisioniste avec Dieudonné, qu'il y a un certain collectif Cheikh Yassine qui a sorti sur moi des vidéos qui étaient des montages aux petits oignons de phrases sorties de leur contexte, coupées et débitées en tranches. On voit bien d'où viennent ces manipulations, à quoi font référence ces manipulations. Et moi, je fais bien remarquer que toutes ces valeurs-là ne sont pas dans l'islam, ces valeurs de manipulation, de mensonge, de rapport triangulaire, de tricherie, etc. Voilà, je dis, moi je suis un Gaulois qui a certaines valeurs, chaque fois que je m'adresse à un musulman qui a certaines valeurs, ça se passe très bien. Et chaque fois qu'on se rend compte que nos problèmes venaient du tiers manipulateur. Bien, demandons au tiers manipulateur de ne plus se mêler de nos affaires. Nous n'avons pas besoin de lui. Nous allons dialoguer en direct. Et quand nous dialoguons en direct, ça se passe très bien. Voilà, voilà mon message.